La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de la Compagnie des auteurs, une émission qui ne pourrait avoir lieu sans Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Didier Pinot, Colette Kersmarek, Laurence Millet et à la console Pierre Faucillon. Nous reprenons l'année dans la gaieté mélancolique avec l'ami Boris Vian. Il y a une drôle d'expression sur le visage de Boris Vian. C'est un sourire, mais un sourire qui semble dégoûté. C'est un regard doux, mais qui paraît amer, un regard passionné et à la fois perdu, marqué par l'inéluctable maladie qui l'accable, par la haine d'un monde qu'il juge absurde et peuplé d'idiots, régi par l'argent et la volonté de puissance. Face à ce monde inhospitalier, Vian a opposé la poésie. Il a cherché dans l'absurde et l'imagination une autre manière de voir la vie et a engendré des vocations littéraires comme celle de Chloé Delhomme qui viendra nous voir jeudi ou de Thierry Foulque qui nous parlera ce même jour du pataphysicien qu'était Boris Vian. Mais avant cela, avec Christelle Gonzalo, demain nous verrons que les best-sellers de Vernon Sullivan ont éclipsé les romans de Boris Vian et que Saint-Germain-des-Prés n'aimait finalement pas tellement l'arrache-cœur ni même l'écume des jours. On verra aussi que Vian était un grand américanophile. Enfin, mercredi, nous serons en visite dans le dernier appartement de Boris Vian. Il n'a pas changé d'un meuble depuis sa mort en 1959. Enfin, j'exagère, Nicole Berthold, qui y habite depuis, a tout de même acheté un ordinateur qu'elle cache quand elle ne s'en sert pas par une photo de son cher Boris. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois Claire Julliard, critique littéraire, auteur de livres pour la jeunesse, ainsi que d'un recueil de nouvelles, Loi sur un lac gelé, chez Léo Cher, mais surtout, en ce qui nous concerne, auteur de la biographie de Boris Vian, paru chez Folio, en 2007, car il ne faudrait pas croire que l'œuvre l'emportait forcément sur la vie chez cet écrivain éminemment vivant. Vous savez, j'ai toujours pensé aussi qu'il était très dangereux d'écrire avant d'avoir fait beaucoup de choses. Ce qui me terrifie souvent dans la littérature actuelle, c'est de voir des gens de 17 ou 18 ans commencer par écrire leur mémoire. Je me demande quels souvenirs ils peuvent avoir sans avoir vécu du tout. Personnellement, j'ai commencé d'une part plus tard. J'ai pas commencé avant 23-24 ans. J'ai attendu d'avoir fait des choses et surtout, j'ai pas commencé par parler de ce qui m'était arrivé très précisément. Je crois qu'il vaut mieux d'abord, en même temps qu'on vit, imaginer une autre vie. Et le résultat de l'interférence des deux, si vous voulez, le résultat de l'influence du caractère sur l'existence, doit finir par vous donner une matière qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui enfin représente quelqu'un, finalement. Boris Vian, interrogé par Pierre Barbier en 1956. Bonjour Claire Julliard. Bonjour. Il faut vivre avant d'écrire, disait Boris Vian. C'est une phrase bien sage pour un homme qui n'avait au moment de cette interview que 36 ans. Vous ne trouvez pas ? Oui, enfin ça c'est tout à fait lui parce qu'à 36 ans il se trouvait vieux et donc il avait déjà plusieurs vies derrière lui. Il se trouvait vieux, mais oui. Il était vieux relativement oui, à l'âge de sa mort. Ce serait il est 3 mort à 39 ans plus tard. Ans, donc et ça, il devait le sentir, enfin, il devait le savoir. Oui, même. C'était vraiment l'homme pressé. Il a toujours dit, de toute façon, moi, je mourrai avant 40 ans, donc j'ai pas de temps à perdre. Il courait partout, quoi. Mais il faisait les choses très sérieusement. C'est le spectre de cette mort qui lui a donné cet appétit de vie, cette énergie constante, selon vous ? Oui, certainement. Il est caractérisé par une sorte d'avidité. D'abord, il avait toujours faim, il était maigre, mais il devait brûler. Il dormait très peu. Il avait une capacité de travail invraisemblable et une curiosité dans un grand nombre de domaines. Il voulait vivre plusieurs vies, je crois. Alors quand il dit qu'il aime autant la vie que les livres, c'est ce qu'on entend un petit peu en creux, quand il dit que pour écrire, au fond, il faut avoir vécu. Est-ce que pour vous, les soirées, les amis, le quotidien, c'était aussi important que de faire une œuvre pour Boris Vian. Oui, je crois qu'il s'est arrangé pour pouvoir tout faire. C'était pour lui, il y avait rien de mieux que d'être avec des copains, faire de la musique, d'être au soleil et d'être avec des jolies filles. Mais il s'enfermait et il travaillait comme un fou et il travaillait très vite. Il avait cette chance, puis enfin, c'est-à-dire il travaillait aussi beaucoup, un peu sous dictée. Voilà. Donc c'était un état de veille permanent que la vie de Boris. Oui, puis le fait d'être cardiaque fait qu'il ne dormait pas beaucoup, il était oppressé, donc voilà. Ouais, cardiaque au point de mourir dans un cinéma. Oui, devant de la projection. Ah ben ça, vous voulez qu'on parle déjà de sa mort ? Non, peut-être pas. On peut garder ça pour la fin. Vous dites que il a mené une existence qui est une existence aberrante. À un moment, peut-être, je dis ça, oui, parce que c'est aberrant du point de vue médical. Il a contracté une angine infectieuse à l'âge de 12 ans, oui. Qui l'a rendu il y a eu des complications et cardiaques. Et puis après une fièvre typhoïde, enfin bref, c'était un enfant surprotégé parce que toujours malade et à qui on avait fortement déconseillé de exactement tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire jouer de la trompette, dormir, se coucher tard, nager sous l'eau, même il a fait alors qu'on lui avait dit bon. Mais tout, voilà, c'était un défi, sa vie a été un défi. Sur cette idée que la vie, c'est presque aussi important que l'œuvre, on pourrait se demander dans quelle mesure il y a une articulation très forte chez Boris Vian, justement, entre sa vie et son œuvre. Quel est votre point de vue là-dessus, Claire Julliard ? Oui, il a, de toute façon, il a écrit très tôt. Il y a eu d'abord, il voulait écrire à plusieurs, parce que comme il était très amical et très fraternel, il a tout fait. Les choses avec ses frères, j'ai de la musique avec ses frères, avec ses copains. Il a pensé écrire avec sa femme. Bon, il s'est aperçu que non, c'était pas possible. On écrit seul. Puis ça lui est venu très tôt, puisqu'il a écrit, il y a 25 ans. Il a commencé aux 23 ans. Le temps le pressait aussi. Et puis il y a eu ce truc qui a surgi, qui est incroyable, qui est l'écume des jours. Tout ça, il l'a écrit en très peu de temps. Comme la plupart de ces choses, comme aussi ces articles, tout le monde était étonné de sa rapidité. Et je pense que chez lui, c'est un jaillissement. Il ne s'est pas posé la question, hein. C'est un jaillissement. Mais à quel point Il est né dans les livres parce qu'il lisait beaucoup, comme tous les enfants malades. On oublie que beaucoup d'écrivains étaient des enfants malades, oui. Souvent, ou malheureux. Ce n'était pas forcément le cas, mais il était malheureux d'être tout le temps malade et confiné. Donc il a beaucoup lu, donc l'écriture est venue. Mais à quel point sa vie est-elle présente profondément dans son œuvre ? Ah oui, son œuvre, et malgré tout ce qu'il peut dire, est assez autobiographique, mais il y a un savant mélange. Par exemple, L'Herbe Rouge est très autobiographique, et puis même L'Arrache-Cœur aussi était un peu une charge contre la surprotection de sa mère. Mais tout ça est toujours très imbriqué. Il a écrit, par exemple, L'Écume des Jours, il avait été embauché par un copain dans un truc qui était une vraie planque, l'Office du Papier, il a vraiment eu le temps d'écrire. Et puis, il a mis son copain en question, Claude Léon, et tous ses autres amis, et des amis, enfin, pas tous, mais le Major et Claude Léon se sont retrouvés dans ses œuvres. Donc, tout était imbriqué, oui, il n'y avait pas de cloisonnement proprement parlé. Donc, un peu de la réalité de sa vie rentre quand même dans ses livres. Et en même temps, il y a un refus total du réalisme. C'est-à-dire, c'est ça. Il parle dans l'introduction de L'Écume des Jours de projection biaisée de la réalité ou de distorsion. Il est proche des surréalistes. On a pu dire que c'est le surréalisme dans la rue, un peu avec mépris. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une vision il y a un rejet de la réalité. Et qui apparaît vraiment dans L'Écume des Jours en particulier. Et pourquoi ce rejet finalement ? Pourquoi ce rejet ? Parce qu'il a été élevé comme ça aussi. Ses lectures, il n'y a pas de roman réaliste, il n'y a pas d'admiration pour les grands réalistes du 19e par exemple ? Je crois qu'il a lu tout ça, mais que son tempérament était fondamentalement celui d'un excentrique. Il a été élevé un peu à l'écart du monde aussi, comme ça, dans un petit paradis communautaire avec ses parents et ses frères. Et des jeux et tout, ils ont été élevés un peu en méconnaissant aussi le monde. Oui. Ils ne le connaissaient pas si bien. Il y a une citation que vous reprenez, que j'aime bien, je voudrais vous la lire, c'est toujours sur cette idée de la réalité, de la fiction. Il dit « J'ai essayé de raconter aux gens des histoires qu'ils n'avaient jamais lues, conneries pures, double conneries, ils n'aiment que ce qu'ils connaissent déjà. » Oui, Il dit d'ailleurs à peu près, j'aurais pu raconter dans un premier livre mon histoire d'amour, dans un deuxième livre, je sais pas quoi. Mon éducation dans un second livre, ma chaude piste dans un troisième, ma vie militaire dans un quatrième. Puis il dit mais ça je l'ai pas fait parce que moi j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de ne parler que de sujets que je ne connaissais pas du tout. C'est ça. Il faut écrire ça, sur ce qu'on ne connaît pas. C'est ça qu'on doit dire, oui, aux écrivains. Mais c'est un peu sa façon de parler, que c'est un peu ses pieds de nez. Il a aussi raconté sa vie. Il a raconté le monde tel qu'il aurait aimé qu'il soit, mm-hmm. peut-être. Hein. Il disait qu'il n'est pas du tout un auteur à message, mais il transmettait quelque chose qui a plu aux adolescents, parce que c'est l'écrivain de l'adolescence un peu, parce qu'il y a un extrémisme comme ça dans tous les domaines, même culinaire. Ah oui, culinaire? Oui, dans l'écume des jours. C'est-à-dire que tout doit être de l'ordre un peu du merveilleux. Ça devrait être comme ça. Et vous, c'est adolescente que vous l'avez découvert? À 12 ans, oui. Oui. Et vous avez ressenti ce merveilleux immédiatement? Oui, j'étais fascinée. Je me suis mis à écrire à l'encre bleue des mers du Sud, puisqu'il avait, écrit l'écume des jours à l'encre bleue des mers du Sud. J'ai eu des moins 2 points, parce que c'était interdit, mais non, j'ai été emportée, quoi. Et puis j'ai retrouvé, on sent, quand on est jeune comme ça, on sent comme un grand frère, quelque chose, quelqu'un qui vient vous parler, comme peut-être les gens aussi en lisant Salinger, quelqu'un qui est proche de vous à ce point-là, et qu'on a avec aucun adulte. Pourquoi que je vis pour la jambe jaune d'une femme blonde adossé au mur sous le plein soleil, pour la voile ronde d'un pointu du port, pour l'ombre des stores, le café glacé qu'on boit dans un tube, pour toucher le sable, voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui descend si bas, avec les poissons, les calmes poissons. Ils paissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi que je vis? Parce que c'est joli. Pourquoi que je vis, se demande Boris Vian par la voix de Jean-Louis Trintignant en 2015. Eh ben, vivre pour ce qui est joli, vivre pour la beauté, ça c'est une manière de penser. Claire Julliard, qui lui vient de ses parents. Parlez-nous un peu de ces deux parents à la personnalité très opposée l'un et l'autre. Oui, mais enfin bon, ils s'entendaient fort bien. Son père était un grand enfant, un peu un rentier, qui pensait à s'amuser à fabriquer des... faire un fameux bricoleur. Et puis, ils ont vécu dans une grande maison, les Fauvettes. À Ville d'Avray. À Ville d'Avray. C'est du parc de Saint-Cloud, voilà. Juste à côté des étangs immortalisés par Corot. Des étangs de Corot, avec peut-être des nymphées, enfin, des nénuphars. Ah, sans doute. Et puis, sa mère était un peu plus âgée que son père, et elle dirigeait tout ça avec beaucoup d'affection, mais enfin peut-être elle était un peu protectrice avec les trois fils et sa fille qu'elle a eu. Ils leur ont installé un petit paradis un peu sur place aussi. Lui a été très protégé à cause de sa maladie, mais ils ont vécu hors du monde, et puis aussi dans un, par le père, une espèce de haine de tout ce qui était l'armée, le clergé, etc. Donc un peu une méconnaissance aussi de la vie politique, donc c'est ce qui s'est reproché après-guerre, c'est de l'avoir. Méconnaissance ou manque d'intérêt, parce qu'en effet, dans la famille Vian, on essaie d'éviter absolument tout ce qui est politique. Oui. Si un sujet prête à dispute, il vaut mieux ne pas l'aborder. Oui. La vie doit être douce, donc ne nous embêtons pas. Oui, avec c'est des gens très craintifs, parce que de part et d'autre, il y a eu les gens de leur famille sont morts très jeunes, il y a eu aussi des suicides, et je crois qu'ils se protégeaient. Il y a une pièce de lui où avec le où il y a une famille comme ça qui court parce qu'elle est poursuivie par un bruit, et c'est vraiment c'est l'image du bâtisseur d'empire. C'est l'image de sa famille. Ils ont quand même un peu peur de tout, donc oui. C'est ça. Donc c'est un paradis ouaté. Oui, ils ont inventé le cocooning. Oui. Et évidemment, malheureusement, 1929, le crash boursier va mettre fin et va faire que le paradis va prendre un peu l'eau, va mettre la fin. Oui, mais non, parce qu'au fond, il s'y adapte. Hein, c'était pas non plus l'argent n'avait pas tant d'importance, même si le père après a dû être représentant de commerce et en plus pour un abbé, pour les liqueurs d'un abbé, pas de chance pour lui. Mais ils ont leur maison a été louée à la maison à la famille Menoui. Voilà, donc ça n'est pas sans conséquence. Ça, c'est une belle conséquence. Et eux, finalement, ils sont installés dans la cabane du jardinier qu'ils ont monté. Ils ont monté un étage. Et ma foi, la vie a continué. Et Boris a pu se lier au petit Menuhin. Donc Yehudi, le grand violoniste, voilà, avec qui jouait aux échecs. Ouais. Ouais. Et ils allaient voir certains soirs jouer Yehudi Menuhin à Paris. Il était encore enfant, mais après, par la suite, oui, bien sûr. Par la suite. Oui, oui. Et ils jouaient ensemble aux échecs, ils étaient très... Oui, ils ont été proches. Oui. Et c'est donc une enfance, vous l'avez dit, médicalisée, qui finalement isole cet enfant, mais qui n'empêche pas totalement Boris Vian de suivre de brillantes études. C'est un très bon élève. Cette enfance lui a donné un peu l'habitude de... Enfin, il s'est forgé une personnalité parce qu'il a caché toujours sa faiblesse, son côté maladif. Même s'est sculpté un visage un peu dur, un regard un peu d'acier qui ne s'y est jamais. Oui, il y a toujours un fond de tristesse dans ce mais regard. Oui, on sent de tristesse. Mais enfin, il disait, je fais peur aux gens. Pourtant, je suis très gentil. Il essayait d'être. Enfin, il avait une apparence un peu comme ça parce qu'il cachait ce côté. Sa fragilité. Et puis d'autre part, oui, ce que vous disiez, c'est les études. Il a tenu à faire des études sérieuses. Voilà, avoir un métier pour pas tomber comme son père après l'argent, ce qu'il a fini par faire d'ailleurs. Mais donc il a fait centrale. Après tout, il avait l'esprit scientifique et puis il a fait centrale. Il était un littéraire, mais il pensait que l'art ne s'apprend pas et que, voilà, il voulait pas faire d'études littéraires. Et puis arrive ce que Vian va considérer a posteriori comme un scandale impardonnable, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Ça dure un bout de temps déjà, mais c'est raté, tout à refaire. Certains pour qui rien ne changea, qui n'ont jamais voulu s'en faire, et baffrent comme père et mère, vont trouver ça décourageant. Mais on ne pourra pas s'y soustraire. La guerre, c'est fait pour tuer les gens. On ne trouve plus de roja, mais on n'est pas tous sous la terre. Il sierait que ça s'arrangea. Allons, les gars, on est tous frères. Laissez vos fringues, vos mouquères. Si l'appétit vient en mangeant, la mort vient en faisant la guerre. La guerre, c'est fait pour tuer les gens. Ballade de notre guerre, interprétée en 1966. On l'entend un peu d'ailleurs. Par Claude Pieplu. Alors c'est déterminant évidemment la Seconde Guerre mondiale pour Boris Vian, Claire Julliard, même si au fond il ne la vit pas ou presque pas. Non, là il se reprochait par la suite, mais enfin lui ce qui l'intéressait c'était le jazz, on n'a pas encore abordé ça, mais il vivait que pour la musique à cette époque-là. C'était l'époque des surprises parties. Oui, les premières surprises parties qu'ils ont organisées dans leur jardin, etc., où venaient tous les Zazous, il a été la figure de proue du mouvement Zazou. Il a joué de la trompette et il ne vivait que pour le jazz. Hein. Alors pendant la guerre, il était replié, alors c'est ça qui le préoccupait, c'était les disques. Qu'ils avaient du mal à se procurer. Il était à Centrale à l'âge de 20 ans. Centrale a été, s'est replié à Angoulême. Mm-hmm. Donc c'était un peu la guerre vue d'Angoulême. Il y a un de ses copains qui racontait que ma foi, ils étaient tous un peu dans cette situation. Ils voyaient ça de loin, ils entendaient parler loin. Ils n'avaient pas les mêmes moyens d'information qu'aujourd'hui. Ce qui fait que lui, sa prise de conscience par rapport vraiment de ce qui se passait, c'est quand un copain juif est arrivé en 41 dans sa chambre et lui a dit tout ce qui lui a dit. Alors là, il est pratiquement pas tombé des nues parce qu'il savait que tout ça c'était horrible et tout. Mais quand il y avait des alertes et qu'il descendait dans les caves, lui dessinait, Il était ailleurs, Boris, c'était un rêveur, quoi. Mais ça, c'est une première prise de conscience, mais il va falloir quand même très longtemps, et malgré un entourage qui était parfois assez politique, il va lui falloir quand même assez longtemps, un peu avant ses 30 ans, pour vraiment avoir une démarche, une conscience politique, Claire Julliard. Oui, et on dirait que ça a vraiment pratiquement son seul combat politique, ça a été pour les Noirs, la question noire américaine, oui, parce que ça l'a... À cause du jazz, d'ailleurs. Et donc contre la guerre aussi. Et bien sûr, mais c'est une évidence qu'il était. Mais il avait tendance un peu, il choquait un peu les gens en centrale aussi. Parfois, il renvoyait les gens un peu dos à dos. Évidemment, qu'il haïssait tout ça. Mais je dirais que bon, il n'a pas été engagé. Il a hébergé des gens qui étaient réfractaires au STO, Claude Luther, par exemple, et puis le major, son copain. Mais bon, il était malade, il était exempté, il était contre la guerre, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire ? C'était un provocateur, alors, y compris à Centrale, et d'ailleurs, tout le monde ne l'appréciait pas forcément pour ça. Est-ce qu'il pouvait faire des calembours qui n'étaient pas toujours très bien appréciés ? Non. En fait, il a jamais eu l'esprit très cartésien. Il a tout. C'est pour ça qu'on pensait qu'il était russe souvent. Parce qu'il avait un côté slave. Il disait j'ai l'air slave. Et son humour est bon. En plus, parfois c'était un peu gros, un peu énorme au sens raciste. Énorme. Et voilà, avec un H. Et bon, c'était parfois un peu. Mais en même temps, sa fantaisie faisait qu'il amusait beaucoup les gens. Il faisait rire tout le monde. Il avait, par exemple, fabriqué un premier instrument, un peignophone avec un peigne et du papier à cigarette, ça imitait le bruit des instruments à cordes. Bon, c'était quand même celui déjà qui faisait rire tout le monde, quoi. Oui. Et à l'époque de travail, famille, patrie, lui, sa triade, c'était loisir, amitié, surprise, partie. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai qu'à la Révolution, qu'à la Libération, en 1944, la Libération, pour lui, ça va être surtout la libération du jazz. Oui. Un peu de silence, s'il vous plaît. Maintenant, je vais céder la parole à Boris Vian, qui va vous présenter Jimmy Davis. Je vous demanderai un peu de silence. Un peu de silence parce que le piano ne sonne pas aussi fort que la voix d'Arnaud et qu'il faut entendre Jimmy Davis, le compositeur de Loverman, un des meilleurs compositeurs actuels américains, qui va vous interpréter quelques-unes de ses œuvres. The day I found you, must admit that I'm a lucky guy. Every dream I dream is built around you. I could give a million reasons why. You're carefree, yeah, so gay. Seems to scatter rainbows all along the way. Brings out that feeling, sort of wish you were mine. Your smile's so warm and sweet, sends my head a-reeling every time we meet. No use concealing, sort of wish you were mine. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Boris Vian avec Claire Julliard qui a écrit une biographie chez Folio Biographie de Boris Vian. Alors le jazz, Boris Vian n'a pas attendu la libération totale de Paris pour fréquenter les clubs de jazz. Vous racontez ça très bien dans votre biographie. Oui, c'est inscrit au Hot Club, hein, dont le président d'honneur était Louis Armstrong, je crois, du 37. Et puis, il s'est intégré à la formation de Claude Abbadie, qui était quand même un très bon jazzman. Et puis, avec ses frères, dans un premier temps, que Claude Abbadie trouvait pas exceptionnel. Donc, quand ils sont partis au STO, Eh bien, il les a remplacés, heureusement, par les frères Foll, hein, Hubert et Raymond Foll, qui sont vraiment des très bons jazzmen. Et Boris avait un assez bon niveau. Après, ça a affaibli parce que son souffle. Mais son truc, c'était vraiment la promotion du jazz. Il y avait le revival du Dixieland. Et c'était ce type d'orchestre qu'on appelait d'ailleurs des amateurs marrons. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup de concerts, de concours, etc. Ils ont gagné un certain nombre de coupes. Mais marrons, c'est-à-dire ils étaient des amateurs payés quand même. Hein, donc ils animaient beaucoup de soirées. Mais ce que je voulais dire aussi, oui, c'est qu'il n'a pas attendu la libération totale de Paris pour retourner profiter des clubs de jazz après l'arrivée des Américains, puisque je crois que, alors que des FFI se battaient encore dans Paris, lui, il rasait les murs pour aller à la Cigale et au mépris du danger. Oui, il y a des règlements de compte comme ça. La libération, c'est très dangereux. Le climat dans Paris, ça tire de partout. Et lui, il est complètement inconscient, comme toujours. Il rase les murs pour aller au hot club, quoi. C'est une obsession. Alors l'humour, Potache, on en a parlé parfois jusqu'à l'incompréhension. On pourrait dire un mot de ce gala de Livry-Gargan où il devait jouer avec sa trompinette. Hein, parce qu'il joue de la trompinette, il joue de la trompette. Oui. Et donc cet orchestre de Claude Abadie pour ceux de la résistance. Vous avez en tête cet épisode? Ah oui, alors l'épisode, c'est ça. Ils sont invités à une soirée pour ceux de la résistance, c'est-à-dire ces gens qui ont combattu. Et puis on leur demande de jouer des marches un peu pour de jouer la Marseillaise, de jouer l'hymne des Anglais, russes, etc. Bon, Boris, qui a horreur de ça, dit est-ce qu'il faut qu'on joue l'international? Bon, les autres le prennent très mal. L'ambiance est catastrophique. Les blagues fusent comme ça. Eux, ils se mettent à swinguer sur la Marseillaise. Hein, déjà avant, Gainsbourg qui a tout imité, on reprendra ça. Et à la sortie, c'est Gainsbourg qui adorait Boris Vian. Oui, son modèle complet. Il a dit avoir pris la relève. Et bon, déjà là, c'était une soirée qui part très mal et qui s'achève pas bien parce qu'à la fin, ils veulent se casser la figure entre eux. Et puis, il y a le fameux Major, qui est le jeune ami de Boris Vian, enfin, qu'on appelait le Major, hein, qui s'appelait Jacques Loustalot. Qui est le cousin de sa future femme, Michel. Et de sa femme, non, ils sont déjà mariés, je pense. Et quand cette soirée a lieu, eh bien, ceux de la résistance vraiment sont hors d'eux et disent vous moquez de nous, enfin, nos valeurs, tout ce qu'on a souffert. Et le major, qui avait un œil de verre, à ce moment-là, sort de la discussion en prenant son œil de verre et en disant et ça, vous croyez que j'ai eu comment? Alors qu'en fait, bon, ça n'a aucun rapport avec la guerre. Donc, il se tombe dans les bras, il pleure, il boit un verre. Enfin, comme tout ça se termine très bien. Et puis, on ramène le major ivre-mort. Mais en fait, on ramène toujours le major ivre-mort. Oui, après toute soirée, on ramène le major ivre-mort, oui. Et alors, ça montre bien quand même que la guerre, c'est la génération des parents. Et Boris Vian et sa femme et le major ne se sentent pas tellement concernés finalement par cette guerre. Ils ont envie d'en sortir. Oui, c'est-à-dire que leur jeunesse a été dévorée par la guerre. Donc ils sont comme toute la génération après-guerre. Hein, c'est pour ça tous ceux qui ont suivi Sartre, l'existentialisme. C'était ça aussi. Il y avait un besoin d'autre chose qui était incommensurable à travers le jazz, à travers la philosophie, la littérature, tout s'amuser et faire les fous. Bon, et c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas été, c'est des anciens résistants, mais ils n'ont pas eu le respect, parce qu'ils étaient très jeunes, ils n'ont pas eu le respect, ils l'ont eu après. Les deux meilleurs amis de Boris Vian étaient des communistes, anciens résistants. Mais il y a eu un moment où, il y avait de l'irrespect. Et donc toute cette ambiance de fête et de jazz, on le retrouve dans son premier roman, Vers Coquin. Et le Plancton, il l'écrit durant l'hiver 1943-1944. Là aussi, la guerre est plutôt tournée en dérision, Claire Julliard. Oui, enfin, c'était un roman qu'il a fait. Il a fait comme ça des romans, et deux ou trois. Et puis après, il a appelé L'écume des jours son premier roman. Mais il faisait ça pour s'amuser, pour ses copains. Et là, finalement, pourquoi ce livre a plu et qu'on a fini par le présenter à Queneau, qui l'a aimé et qui l'a publié, c'est que ce livre est finalement le roman des Azous, quoi. Il raconte les surprises parties, c'est plein d'irrévérences, il raconte la geste du major et Et puis, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais c'est assez drôle. Et c'est bien évidemment un truc contre la guerre. Allez, on va continuer de parler de Boris Vian avec vous, Claire Julliard, dans quelques minutes. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Mais avant cela, et pour ne pas perdre les bonnes habitudes, c'est le moment d'En compagnie des revues aujourd'hui avec vous, Marin de Viry de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Marin. Bonjour. À la une de votre revue en septembre, une photo de Vladimir Poutine, dites-moi. Eh oui, une photo de Vladimir Poutine, tout à fait exemplaire, il est énigmatique, il a l'air calme et cruel, enfin c'est... Tel qu'en lui-même, et il est de plus chaussé d'une paire de Ray-Ban russes, j'ai l'impression, qui broche sur le tout, comme disait Saint-Simon. Voilà. C'est un numéro qui est organisé en trois parties. C'est notre logique ternaire habituelle, voire trinitaire habituelle. Donc un dossier, c'est pas sur Poutine, c'est sur le dossier, plus largement. Oui, voilà, Poutine et si je puis dire l'introduction iconographique à un dossier sur la politique étrangère qui est marqué par toute une série d'articles comme d'habitude dans la revue, mais j'en ai extrait quelques-uns. Le premier étant un grand entretien avec Hubert Védrine qui au fond s'interroge sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Pour lui, la France est de retour sur la scène internationale. Oui, il a cette expression, Macron réveille l'idée d'une politique étrangère, une diplomatie de mouvement gaullienne fondée sur notre souplesse, notre imagination, notre capacité d'ingénierie diplomatique, que souligne Hubert Védrine. Un autre article tiré de ce dossier est celui de Laure Mandeville, qui, elle, nous parle au fond des gens qui sont à l'œuvre dans l'entourage de Trump, qui décode un peu les influences de ceux qui murmurent à l'oreille de Trump, comme le dit l'article. Et enfin, pour en prendre un troisième qui est assez emblématique de ce dossier, Renaud Girard, qui a rencontré Vladimir Poutine et qui fait un bilan au fond des permanences de la politique étrangère russe, ce qu'il appelle les quatre piliers de la diplomatie russe. Alors voilà pour le dossier. Également dans la Revue des Deux Mondes, toujours un bloc sur la littérature. Alors Michel Tournier, Cyrano de Bergerac, Prévert, que peut-on trouver dans ce un bloc-là? Facteur de cohérence. Non, la littérature est diverse et les facteurs de cohérence, il n'y a que les critiques pour arriver à trouver des facteurs de cohérence partout. Ah, les critiques que Boris Vian n'aimait pas beaucoup. À juste titre, la critique est inutile. Il y a notamment, je tire quelques articles arbitraires, mais il y a notamment un article de Pauline Dreyfus qui s'appelle Le poids du nom. Pauline Dreyfus s'intéresse à cet héritage immatériel qui est celui de son nom. Que fait-on de cette personnalité morale qu'on nous a transmise et qui est le nom que l'on porte? Il y a un article extrêmement intéressant, comme toujours, de Sébastien Lapac sur le livre d'entretien que Jean-Claude Milner a fait récemment avec Philippe Petit aux éditions du Cerf et qui s'appelle Considérations sur la France. Dont je tire une phrase qui est savoureuse et en même temps sinistre, qui est, qu'on dirait, écrite de surrang. Jean-Claude Milner dit, au fond, l'époque, c'est l'inflation des inutiles et la paupérisation des nécessaires. Voilà. Donc, et enfin, je citerai aussi une étude de Frédéric Verger sur Hemingway. Et puis pour terminer, montrer la grande magnanimité de la Revue des Deux Mondes. Vous faites référence à vos confrères et aux autres revues, notamment à celle de Philippe Solers, L'Infini. Oui. Sont quoi? C'est des recensions d'articles. Nous avons introduit cette nouveauté éminemment confraternelle. Chaque numéro de la Revue des Deux Mondes fera une recension des contenus et une sorte de critique globale d'un numéro de des revues. Là, nous avons parlé de Medium. C'est moi qui m'en suis occupé, qui a fait un numéro sur le caractère français. Donc c'est la revue de Régis Debray, une revue de médiologie, donc qui a cet angle-là sur l'actualité. Extrêmement drôle et intéressante, la revue Schnock. Ah. La revue L'Infini, effectivement, de Solaire, c'est enfin une revue qui mérite d'être connue et qui ne l'est pas assez, qui est la revue 12 degrés 5, qui s'occupe de vin. Et Sébastien Lapac fait une recension de vignerons rebelles qui sont à l'honneur dans cette revue. Voilà. Eh bien, c'est donc à lire dans toutes ces revues que vous avez citées, encore une fois, très confraternellement. Et évidemment aussi dans la Revue des Deux Mondes. Merci Marin de Viry, à très bientôt. Merci beaucoup. Et la compagnie des auteurs reprend sa route sur France Culture. Nous entamons aujourd'hui une semaine consacrée à Boris Vian, qui commence donc aujourd'hui en compagnie de sa biographe Claire Julliard. Un poète, c'est un être unique, pas d'état d'exemplaire, qui ne pense qu'en vers et n'écrit qu'en musique, sur des sujets divers, des rouges ou des verts, mais toujours magnifique. Par Jean-Louis Trintignant, c'était à l'Odéon en 2015, d'un poème de Boris Vian, Claire Julliard. Vous diriez que c'est avant tout et dans tout, j'ai envie de dire, dans toutes les parties de sa vie et de son œuvre, avant tout un poète, Boris Vian. Bon, il ne savait pas vraiment se définir, il disait « moi je suis journaliste » parce que c'est un sacré fourre-tout. Il a écrit des poésies et son univers est certainement assez poétique, mais... Je ne sais pas, j'ai toujours tendance à le considérer comme un écrivain, parce que pour moi c'est terme noble. C'est le terme noble. Il a écrit des romans un peu influencés par le jazz, dans leur façon de un peu circulaire de tourner autour d'un thème. Et je pense que c'est un excentrique et que il pourrait être placé dans ce que Queneau aimait, les fous littéraires, quoi. Partie des gens un peu à part dans la littérature. Mais en même temps, gardant la tête sur les épaules, puisque oui. Il le faut bien d'ailleurs. Il s'est marié avec Michel Léglise, il a eu un enfant, il est donc père de famille et il faut qu'il gagne sa vie. Oui, il en a même eu deux. Et il s'est marié très jeune. Il était un peu nigo sur ce plan-là, puisque la mère les avait tellement couvés, mais il est tombé très amoureux de cette très jolie blonde Michel, et ils ont été très proches, ils ont aimé les mêmes choses. Mais enfin, il fallait qu'il a eu des responsabilités très tôt. D'autant qu'à la Libération, son père a été tué lors d'un cambriolage. Enfin, on ne sait pas très bien ce que c'était. Alors, il faut revenir peut-être sur ce fait évidemment très marquant oui. De la vie de Boris Vian, cet assassinat qui n'a jamais été élucidé. Non, parce qu'il y avait tellement de règlements de compte comme ça à Libération. On dit que le cambrioleur portait un brassard d'FFI. On ne sait pas si c'est... Est-ce que c'est un cambriolage? Est-ce que c'est un règlement de compte? Peut-être quand même quelque chose qui a mal tourné parce que les gens portaient des armes et que quelqu'un de chez eux est arrivé avec aussi une arme pour se défendre. Enfin bref, c'est... En tout cas, le père a été assassiné, ça a été épouvantable. Des gens qui avaient un peu peur de tout, qui se protégeaient de tout, voilà, le pire était arrivé. Et donc la vie n'a plus été comme avant. Hein. C'est la mère qu'il appelait, la mère Pouche, et sa sœur, ils sont allés habiter dans un appartement plus petit. Et puis lui, il se sentait assez responsable. Ça n'a pas été une jeunesse vraiment jeune, mais il l'a compensé par beaucoup de folie. Et notamment aussi par une évasion dans l'écriture. Alors on l'a dit, il y a la publication de Vers coquin et le plancton. Donc c'est vraiment Queneau qui aide Boris Vian au départ. Ah oui, il s'est pris de... Donc c'est ça, il était collectionneur de fous littéraires. Lui aussi était un scientifique littéraire. C'était quelqu'un qui se sentait peut-être un peu à part, même chez Gallimard. Il avait eu, enfin bon, il sortait d'une période un peu difficile et il a accroché tout de suite quand on lui a porté ce manuscrit. Et ma foi aussi, le côté des Azous, pour revenir aux Azous, c'est quand même des gens qui, tout en faisant les imbéciles, portaient une étoile jaune avec écrit Z pour un pied de nez à l'occupant, le costume, etc. Ça avait une portée politique, tout ça. Même si Boris Vian n'a pas porté ce costume, parce que il était toujours assez réservé. Pourtant, Simone de Beauvoir le voyait comme un chef de file des Azous. Il a été le chef de file quand même, parce qu'il était toujours, il était archi connu de son vivant. C'était une légende déjà de son vivant, l'amuseur notoire qu'on appelait pour les soirées, pour animer les soirées, pour faire rire les gens. Il a écrit ce livre et de fait, il est devenu un peu le chef de file des Azous. Voilà, une sorte de désengagement engagé chez les Azous. Hein. Tout ça était un pied de nez à la société, à l'occupant et à tout ça. Et l'existentialisme, alors, évidemment, il y a Jean Solpâtre, qui est le double de Jean-Paul Sartre dans L'écume des jours. Quel lien avec Jean-Paul Sartre et l'existentialisme? Eh bien, c'est-à-dire qu'il a, dans son roman comme ça, celui qu'il a vraiment reconnu, c'est-à-dire L'écume des jours, écrit en 1946, il a mis en scène Jean Solpâtre et la baronne de Beauvoir, oui. Comme ça, il les a affublés de surnoms ridicules parce qu'ils étaient l'emblème d'une génération qui avait eu il a caricaturé un peu une soirée qui avait eu au club maintenant. Au Tabou, peut-être? Non, c'était pas au Tabou, c'était une conférence très sérieuse de Jean-Paul Sartre. L'existentialisme est-il un humanisme? Il devait y avoir prévu peut-être 50 personnes, il y en a eu 300. Et donc, il y avait un mouvement comme ça, incroyable, autour de Sartriens, de jeunes qui étaient fascinés par Sartre, dont il a un peu fait partie, parce qu'à un moment, il s'est dit Sartrien, enfin, il s'est dit existentialiste, puis après, il a rejeté ça. Mais alors, on se demande s'il les a mis en scène dans L'écume des jours, un peu pour se moquer ou par défi, ou peut-être pour se faire remarquer de Jean-Paul Sartre, et ça a marché. Il a parié sur l'intelligence de Sartre, qui effectivement, d'ailleurs, était en personnage même si on le brocardait un peu, était vu en personnage de roman. Donc ils se sont rencontrés et Sartre a commencé à le publier dans les temps modernes. Il a publié le début de L'écume des jours dans les temps modernes, puis après il lui a confié la chronique du menteur. Donc il y a eu une sympathie entre les deux. Mais alors il disait, pour moi il n'y a pas d'existentialisme, l'existence précède l'essence, alors que pour moi il n'y a pas d'essence. Donc c'est encore une manière de détourner par une blague potache, essence, oui. E-2-S-E-N-C-E, bien évidemment, de détourner la confrontation avec la philosophie de oui. Jean-Paul Sartre. Bon, d'abord c'est pas un philosophe, ensuite je crois que, non, il s'est démarqué de l'existentialisme, il était Boris Vian et puis c'est tout. Il a flirté avec pas mal de choses qui l'ont intéressé, mais je crois pas qu'il était, non, il n'était pas un existentialiste. Il voulait pas être ramené à une espèce de fan de Sartre, je crois pas. D'autant moins peut-être que sa femme va avoir une liaison Jean-Paul Sartre. Oui. Ça va peut-être pas arranger les choses. Non, ça n'arrangera pas les choses, mais c'est quand même Boris Vian et c'est quand même Sartre. Ce qui fait que, après, dans ce fameux manuel de Saint-Germain-des-Prés, qui était une commande qu'il a mis un temps extraordinaire à honorer, il parle de Sartre en disant que c'était un chic type. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait de L'écume des jours, puisque c'est le deuxième livre après Vers Coquin et Le Plancton. C'est dans ce livre qu'on parle de Jean-Paul Sartre ou de Jean Solpâtre, mais il n'en est pas question dans l'extrait que nous allons entendre tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a ? Oh, ça pouvait pas être pire. Pardonne-moi, ma Chloé, je suis un monstre. On va te guérir. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne pouvait rien arriver de pire que de te voir malade, quelle que soit la maladie. Qu'est-ce qu'elle a ? Je peux faire quelque chose ? Ce nénuphar, où a-t-elle pu attraper ça ? Elle a un nénuphar ? Dans le poumon droit. Le professeur croyait au début que c'était simplement quelque chose d'animal. Mais c'est ça. On l'a vu sur l'écran. Il est déjà assez grand, mais enfin, on doit pouvoir en venir à bout. Mais oui. Le docteur veut qu'elle aille à la montagne. Il prétend que le froid tuera cette saleté. C'est sur la route qu'elle a attrapé ça. C'était plein d'un tas de dégoûtations de même genre. Il dit aussi qu'il faut tout le temps mettre des fleurs autour d'elle, pour faire peur à l'autre. Pourquoi ? Parce que s'il fleurit, il y en aura d'autres. Mais on ne le laissera pas fleurir. Et c'est tout comme traitement? Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il ne faut pas qu'elle boive. Quoi? Rien? Non. Pas rien du tout, quand même. 2 cuillerées par jour. 2 cuillerées. Extrait de L'écume des jours, une fiction de France Culture, adaptation du collectif de La Bouée, c'était en 2009. Alors, je précise quand même qu'il avait aussi écrit Trouble dans les Andins. Oui. Avant même Vert Coquin, alors. Oui, c'est ça. Il avait comme ça écrit des livres qui ont finalement, qui étaient mieux que ce qu'il disait, enfin, sans estime pour ses livres, mais qui étaient mieux que ce qu'il disait, quoi. Mais L'écume des jours, c'est le grand livre pour... Oui, quand même. C'est vraiment pour lui, c'est ses débuts littéraires. C'est un livre qu'il a écrit comme ça, sous dictée, 222 pages, presque sans rature, quelque chose de merveilleux, et très unique dans la littérature. Oui. C'est le plus personnel de ses romans. Oh non, ils sont tous personnels, je crois. Mm-hmm. Attention. J'aime quand même beaucoup ce qu'il fait. Parfois, il y a des choses foutraques, mais c'est quand même. C'est tout ce qu'il a fait est assez incroyable, hein. L'automne à Pékin, c'est un livre très étonnant, hein, qui a d'ailleurs été considéré par Rob Grier comme l'ancêtre du nouveau roman. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sera publié. Il l'a republié, alors qu'il n'avait pas marché du tout. Et c'est un livre assez extraordinaire. Il a fait beaucoup de choses qui sont vraiment très, très étonnantes. Y compris dans le théâtre, d'ailleurs. On dit que c'est un livre initiatique pour des générations, et notamment, oui, vous l'avez dit, des générations de jeunes. En quoi c'est initiatique pour vous, ce roman? Ah oui, ça reste un peu un mystère, parce que c'est un roman qui est à la fois très simple dans son histoire. Bon, c'est une histoire d'amour tragique, hein, mais assez complexe dans l'explication qu'on peut en donner. Il y a des tas de choses dans ce livre, et surtout, le fait est que ça fait quand même des générations... et ça continue, de jeunes qui découvrent la littérature à travers ce roman. C'est en ça qu'il est initiatique. Il y a quelque chose qui les frappe au plus profond d'eux-mêmes, le mélange de potachisme comme ça, d'histoires d'amour assez extrêmes, et puis d'ambiance de mort qui plane. Et puis, c'est un livre assez un peu... Oui, quand je dis, il est dans le domaine du merveilleux. La société devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajen, il dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle. Mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azou dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aller-mais. Entre Zazou, on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand je me les douche, on chantera comme ça. Alors on parlera longuement de ce livre jeudi avec une autre Chloé, hein, pas la Chloé de Chloé et Colin, mais Chloé Delhomme. Peut-être peut-on s'arrêter, nous, un petit peu davantage sur l'autre grand livre, vous allez nous dire si vous considérez que c'est un grand livre, de Boris Vian, écrit sous pseudonyme, le pseudonyme de Vernon Sullivan, « J'irai cracher sur vos tombes ». C'est à peu près à ce moment-là aussi qu'il l'écrit. Oui, mais alors, non, je dirais pas un grand livre. Et d'ailleurs, lui-même ne le disait pas. Il pensait que c'était un coup. C'est son mauvais génie, Vernon Sullivan. C'est quelque chose qu'il a fait. C'était une blague au début, un canular. Oui. Il a dit je vais écrire un best-seller. C'est ça? Non, c'est-à-dire qu'il avait un copain éditeur qui se plaignait de pas faire de recettes, hein, comme tous les éditeurs. Il lui a dit mais moi je vais te le faire ton best-seller. Donc c'est pris 15 jours. À l'époque, la grande mode c'était le roman noir. Américain, fallait être américain. Hein. Même il y avait Chase qui écrivait ses livres tranquillement de Londres. Il avait jamais mis les pieds aux États-Unis, mais bon, tout le monde écrivait des romans américains. Donc lui, il s'est dit, voilà, il a eu une idée. L'idée est bonne, parce que il y avait chaque année 20 000 Noirs américains qui passaient la « the color line », la ligne blanche, c'est-à-dire qu'en fait, qui devenaient blancs au fil des générations. Et alors, il utilise ça, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de lynchage aux États-Unis. Il était scandalisé par ce qui se passait. Et pour décrire la vengeance d'un noir américain, d'un blanc. D'un métis, en fait. Oui, d'un métis blanc. Contre, à travers des crimes sadiques, contre des jeunes filles de la bourgeoisie blanche. Et voilà, il a écrit ça. Il fallait un titre un peu racoleur. Donc, c'était « Laisse danser le cadavre » qu'avait écrit Chaise. Ils ont fait « J'irai danser sur vos tombes ». Et puis Michel, qui était là, lui a dit « J'irai cracher, allons-y ». Alors, ils ont éclaté de rire, oui. Mais c'était une blague. Ce livre, c'était une blague. Ça a marché au-delà de toute espérance. Et c'était une catastrophe parce que ça éclipsait sa vraie œuvre. Pendant ce temps-là, L'écume des jours est passée sous silence. Je crois que le Vernon Sullivan, il en a vendu 600 000. Mais ça alors lui a qu'à valu l'époque, un prix Goncourt, c'était 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires, un Goncourt, oui. L'immensité non, mais c'était un peu c'était comme ça. Ça a provoqué un scandale. Bon, ça, un scandale terrible. Et puis aussi, ça a été un vrai problème dans sa vie parce qu'il n'est jamais arrivé vraiment à sortir de Vernon Sullivan. Moi, je il aurait dû pas rester sous couvert de ce pseudonyme, mais il a pas pu. Finalement, il a non, été obligé d'avouer que c'était Boris Vian qui était en fait Vernon Sullivan. Il n'a pas pu s'empêcher de faire. Bon, il a fait une introduction, il s'est présenté comme le traducteur, il a fait une autopromotion exceptionnelle. Et puis, très vite, les critiques ont commencé à se poser des questions sur ce livre. Et puis, il y avait Queneau qui avait compris, qui lui disait... Il se promenait souvent avec Queneau, et Queneau lui disait « C'est toi, non, c'est très drôle, c'est toi. » Il lui disait « Non. Bon. » Mais bon, la brigade mondaine est intervenue, le livre a été saisi, il y a eu quand même eu un grand scandale. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et ce livre lui a porté malheur, en réalité. Malgré ce succès, ou peut-être à cause de ce succès, on le verra en particulier demain, oui. Les dernières années vont être assez difficiles pour Boris Vian. D'abord, chez Gallimard, on lui refuse ses manuscrits. Oui, là, il commence à se griller avec le milieu littéraire. Je sais pas, il y a quelqu'un qui lui dit, il reçoit une lettre de Gallimard, on lui dit, on est peut-être un peu con, mais ça passe pas, son extravagance ne passait plus, l'automne à Pékin a été rejeté, en plus il avait un sens, c'était pas vraiment un flatteur, donc il en voulait beaucoup à Poland et à Arlan, parce que il y avait un prix qui devait lui être décerné, le prix de la Pléiade, qui l'aurait beaucoup aidé financièrement, qui lui a pas été décerné. Donc il parsemait ses manuscrits d'injures sur Arlan et Poland, il avait décrit, un flic stupide qui s'appelait Poland. Bon, il était pas vraiment à passer la brosse. Oui, il cherchait pas vraiment. Mais il avait 26 ans à l'époque. Faut pas oublier. Il allait chez Gallimard, il faisait scandale. Il disait Poland n'a pas de parole. Bon, alors il a fini par se griller. Il y avait d'autres éditeurs que Gallimard, mais pour lui c'était Gallimard ou rien. Enfin, il a quand même cédé ses livres chez des tout petits éditeurs où ils sont passés sous silence complètement. Il y a aussi une autre vie amoureuse, celle avec Ursula. Les années de bohème vont continuer dans les années 50. Lui-même va devenir directeur artistique de la société Philips, s'occuper des variétés. Quelle est la couleur de ces dernières années, Claire? Quand il rencontre Ursula en 1950, il traverse une grande crise morale. Il est très dépressif. Il a 30 ans. Il se sent déjà comme un homme presque de 50 ans. Il perd un peu ses cheveux. Il est malade et il a eu un œdème pulmonaire, il lui dit d'emblée, elle est plus jeune, c'est une danseuse, c'est tout à fait éblouissante, mais il est pas bien à ce moment-là. Comme il a l'art de rebondir, il peut plus jouer de musique, il est plus dans le milieu littéraire, mais il rebondit grâce à la chanson. Il a toujours cette faculté extraordinaire de rebondir, et alors c'est le début de l'aventure avec Salvador, avec tout ça, et puis il devient directeur artistique de Philips, ces dernières années. Dont on parlera aussi cette semaine pour terminer, et on avait commencé l'émission avec ça, Claire Julliard, mort presque ironique en regardant l'adaptation de son propre film, J'irai cracher sur vos tombes. Oui, comme je dis que ça lui a porté malheur, il y a eu une adaptation ratée au théâtre qu'il avait voulu faire, enfin il a accepté. Ensuite au cinéma, il s'était dit qu'il allait lui-même maîtriser l'adaptation. Mais il était scénariste aussi. Il était scénariste. Il voulait faire quelque chose de plus intéressant que. Enfin, il voulait faire ça lui-même avec un ami, mais il connaissait pas la rouerie des gens du cinéma qui lui ont piqué son truc, qui ont fait quelque chose d'assez mauvais. Et le jour de la projection, il en est mort. En fait, il est mort en voyant En voyant l'échec de cette adaptation. Merci beaucoup Claire Julliard pour ce premier parcours à travers la vie et l'œuvre de Boris Vian. Votre biographie de Vian est disponible chez Folio Gallimard. Et puis du côté de vos romans, citons eh bien les hors d'œuvre, pardon, les hors venus chez Bellefond en 2016. Et demain, on continue de parler de Boris Vian. Ce sera avec Christelle Gonzalo qui a participé à l'édition des œuvres complètes de Vian en Pléiade. Elle nous parlera de Vernon Sullivan, du jazz et d'un Boris Vian américanophile. Mais avant tout cela, c'est la poésie avec Jacques Bonafé qui explore le thème du nouveau départ. Aujourd'hui avec des poèmes de Jean-Marie Kerwisch. Merci Mathieu, bonjour et bonjour la compagnie des auteurs. Heureux de vous retrouver, c'est reparti pour la poésie. Enfin, si j'ose dire, parce que en même temps, ça ne se décrète pas. Elle vient quand elle veut, la poésie. Elle attend son heure. Elle attend son heure bleue. Voilà. Et il est peut-être un peu tôt. On est en bonne compagnie, mais il faudrait relancer les machines. Papoter. Il faut remettre le couvert. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez? Vous faites dans le contemporain, toujours? Non, pas exclusivement. Oui, mais avec une prédilection pour les minorités, quand même. Non plus. Ah, oui, la poésie s'y trouve naturellement. Mais vous maintiendrez un faible pour les valeurs sûres. De la musique avant toute chose. C'est ça, la grande poésie aura sa place. Et alors, ne manquerait plus que ça. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, 9 pieds, voilà. Plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Merci Verlaine. Voilà, ne pas s'interdire les citations, et la poésie suivra bien. Elle vient plus tard, entre chien et loup, l'heure bleue, oui, mais pas forcément mélancolique. Ah, ça peut être une poésie en relation avec notre actualité. Interactive, exactement. Voilà, connective, mais pas solitaire et définitivement retranchée. Elle crée du lien, voilà. Et du lâcher-prise aussi, ça c'est bien. Et dans le vivre-ensemble, très bien. Ça c'est bien, le vivre-ensemble entre chien et loup. Et un loup propitiatoire, parfait. Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde, l'attaquer, le mettre en quartier. Sire loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Mais presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Flattez ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien, quoi rien, peu de choses, mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Et voilà, Jean de La Fontaine. Rien qu'un poème par jour, ça peut faire mal. Jacques Bonafé lit la poésie, ça peut faire mal. Non, non, ça c'est un peu racoleur. Ça peut pas. C'est pas peu. C'est pas rien. On n'est pas de ce monde. On n'est pas couché. On est debout. Je suis debout, nous dit le poète Lucien Suel. ONPC, JSD. Non, JBLP. Jacques Bonafé lit la poésie. Pourquoi Lila? Rose ou Lys? Ou Lys à Soca, Lila ou Rose? JBLP, de la musique avant toute chose. Ah, là, on progresse. Là, on tient le titre. JBLP, de la musique avant toute chose. Ça peut faire mal. C'est toujours bon à prendre. Ça va pas de soi. Ça coule de source. Vous m'en lirez tant. JBLP, c'est pas pour les pieds, la poésie, mais un peu. Bon, ça va le faire. C'est pas le bout du monde, ça veut pas rien dire. JBLP se termine, on quitte l'entre-chien et loup pour remonter vers la lumière en compagnie des auteurs. Mais non, ça fait pas mal, Jacques Bonafé, merci. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.